Bonjour, ici Valérie Levé et Samuel Lauzon sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture science Futur Simple. Le gazon et les confins du système solaire. Voilà le menu de l'émission d'aujourd'hui. Les confins du système solaire, ce sera à 18h30 avec l'astrophysicien Jean-René Roy qui nous donnera des nouvelles des sondes voyageurs partis il y a 47 ans pour un voyage de 4 ans à la découverte de Jupiter et Saturne et qui, vous le savez bien, elles sont toujours en route, ces sondes voyageurs aux confins du système solaire. Et pour le moment, eh bien, on reste sur Terre et même sur le gazon qui verdit avec le printemps. Il y a 2 semaines, Samuel nous avait révélé les vertus de l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, Samuel nous parle de la guerre des pelouses. Samuel, dis-moi, c'est pas un peu exagéré de parler de la guerre des pelouses? Oh non, Valérie, pas du tout. Au royaume verdoyant de la pelouse, l'ennemi nous guette sans relâche. Partout, il sème la discorde dans la symphonie de l'herbe parfaite. Quand ce n'est pas le pissenlit qui nous assiège avec ses graines parachutées à tout vent, c'est le ver blanc qui nous ronge par les racines. Heureusement, les armées de tondeuses rugissantes, les râteaux acérés, les engrais, les pesticides forment une alliance. C'est un combat à finir. Oui, Valérie, un combat à finir. Évidemment, tu auras compris que j'exagère. Mais cette idée, c'était un poème. Je pensais que c'était un poème. Mais c'est dans le fond, cette idée de combat à finir n'est pas de moi. Là, c'est un de mes voisins qui m'a comme fait penser à ça, qui m'a fait réfléchir un peu au fait qu'il y avait comme une guerre qui se passait un peu sur nos pelouses. Un monsieur à la retraite très gentil là, que je voyais souvent travailler sur son terrain, désherbé à quatre pattes et tout. Malheureusement, cet homme-là est tombé malade et sa fille, tu sais, a repris. Puis là, je parlais aussi avec la dame, puis elle me disait « Ah, c'est vrai, tu sais, mon père était tellement fier, faut que de sa pelouse et tout, faut que j'en porte soin. » Malheureusement, ce monsieur-là est décédé. Et évidemment, là, c'est pas pour se moquer ou quoi que ce soit, mais dès le printemps suivant, ben, sa pelouse était déjà pleine de pissenlits et de mauvaises herbes. Hein. Tu sais, puis ça me faisait réfléchir justement au fait, je trouve que c'est une bonne façon de voir que les pelouses, la pelouse parfaite d'un vert bleu foncé, ben, c'est un mythe hein, d'une certaine façon. Ouais, c'est effectivement, là, on voit pas mal de personnes s'acharner à arracher les pissenlits sur leur pelouse pour voir la pelouse parfaite. Mais dis-moi, ça vient d'où le mythe de la pelouse parfaite? Ben, à vrai dire, ça a été introduit par le jardinier André Lenôtre, la pelouse en général, en 1662-1688, dans les châteaux de Versailles, le roi Soleil, là, le roi Louis XIV. Alors, tu as sûrement déjà vu des photos, tu as peut-être même visité les châteaux de Versailles. Donc, la mode s'est propagée après ça à l'Angleterre, là, les fameux jardins anglais. Là. L'Angleterre étant beaucoup plus propice à la pelouse avec son climat beaucoup plus pluvieux. Donc, des grands espaces qui étaient, dans le fond, très chers à entretenir. Là. Imaginez la quantité d'ouvriers que ça prenait pour... Puis souvent, bon, ils utilisaient même des moutons pour brouter l'herbe parce que, bon, il n'y avait pas de tondeuse à l'époque. Fait qu'on voit déjà là, que c'était vraiment réservé aux riches, à l'élite de la société. C'était une manière de montrer sa richesse en utilisant le plus de terre possible pour une culture inutile. C'était comme dire, regardez comment je suis riche, tellement que j'ai de terre que je peux en utiliser de grandes parcelles seulement dans un but esthétique. le mythe là, de la pelouse là, venait de naître là, en quelque sorte. Ah ouais, donc c'est bien beau les moutons là et le château de Versailles. D'ailleurs, les moutons reviennent hein, quand même hein, dans certaines Oui. initiatives. À Carnac, par exemple, ils ont des OK. moutons pour tondre la prairie entre les roches. Donc tout ça, c'est bien beau ces moutons, ce château de Versailles, mais on est quand même loin des banlieues américaines et de ces pelouses emblématiques. Donc comment la pelouse, cette pelouse parfaite, est-elle arrivée en Amérique? Oui, ben, elle est arrivée avec les premiers colons, en tout cas les gens qui sont venus d'Angleterre, qui sont venus ici. Mais elle a eu des débuts très sobres, en fait, parce que ça demandait justement, comme je disais, beaucoup de main-d'œuvre. Et dans le fond, il faut attendre la tondeuse à essence. En 1914, la première tondeuse fabriquée en Amérique. En 1921, première tondeuse à moteur produite en série, donc bon, on diminuait les coûts, puis bon, tout le monde pouvait avoir une tondeuse. Donc, à la question, est-ce que c'est la poule ou l'œuf, là? Est-ce que c'est la tondeuse ou c'est la pelouse qui est arrivée avant? Ben, on peut dire que c'est la tondeuse qui est arrivée avant la pelouse parce que, ben, tu comprends ce que je veux dire dans le sens qu'on n'aurait peut-être pas eu ces grandes banlieues avec de la pelouse si on n'avait jamais créé de tondeuse, dans le fond, s'il n'y avait pas le moteur. Évidemment, il manquait plusieurs outils là, à cette époque-là, là, les arrosoirs, les semenciers de qualité, les engrais en 1928, les pesticides qui arrivent en 1941. Donc, c'est ça, là, on voit là, c'est comme proche de la guerre, là, vraiment, que la pelouse a pris toute son C'est ça. effervescence. Est-ce qu'on voit un lien direct entre le développement de la pelouse et celui de la banlieue de l'après-guerre? Bien, tout à fait. Dans les banlieues américaines d'après-guerre, la pelouse est devenue un symbole important du mode de vie suburbain, là, le fameux American Dream. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un boom de la construction des maisons dans les banlieues, dans les quartiers résidentiels. Il se développait rapidement en périphérie des grandes villes. La pelouse était considérée comme un élément essentiel du paysage. Ça représentait l'ordre, la propreté, la prospérité. Les pelouses étaient entretenues, étaient un signe, là, dans le fond, de statut social, d'être respectable. Avoir une pelouse verdoyante et impeccable, tondue, était un moyen pour le propriétaire de montrer qu'il avait eu du succès, puis qui s'engageait à maintenir là, des normes élevées d'esthétisme là, pour sa pelouse. Ça symbolisait la stabilité, la conformité sociale, le rêve d'une vie confortable dans une maison de banlieue. La pelouse était associée aussi, ben, aux espaces extérieurs familiales, là, les barbecues, la cour arrière, les enfants qui jouent, socialiser, les réunions de quartier. Donc, on voit là, c'est vraiment, la pelouse a vraiment pris sa place là, dans la banlieue. Bah, c'est vrai que ça peut être agréable, un petit barbecue sur la pelouse. Ah oui, c'est On ça. voit très bien pourquoi la pelouse a influencé notre mode de vie et pourquoi une pelouse parfaite pouvait représenter quelque chose dans la vie pour quelqu'un de la génération de ton voisin, Samuel. Mais d'ailleurs, c'est quoi le problème avec la pelouse? Oui, c'est vrai, hein? On peut se dire, ben, tu sais, c'est quoi le problème avec les barbecues, puis avoir une belle pelouse, puis se promener? Les enfants qui Ben jouent, tout ça, c'est bien beau. oui, c'est ça, tout à fait. Tout le monde aime ça. Personne n'est contre la tarte aux pommes, comme on dit. Mais en fait, le problème, c'est pas la pelouse en tant que telle. C'est un couvre. Si on regarde ça, là, c'est un couvre-sol très facile à mettre en place, surtout au Québec, dans nos climats assez pluvieux, là. Là, on ne parle pas du sud-ouest des États-Unis, là. Au Québec, c'est quand même facile à faire pousser. En plus, ça répond à certains critères, comme je disais, d'esthétisme. Ça offre un espace polyvalent pour différents loisirs, les barbecues, comme on parlait, mais en plus, ça améliore la qualité de l'air. Ça contrôle l'érosion par l'eau, par le vent, contrôle la température, réduction du bruit. En fait, le vrai problème, avec la pelouse, ben, c'est l'obsession de la pelouse parfaite. C'est ça, tout Ouais, c'est simplement. ça. C'est pas le petit couvert vert végétal, moi là, mais c'est vraiment le gazon bien coupé, très ras, sans pissenlit, sans lit, d'un vert foncé, presque bleu là, comme sur les circuits de golf finalement. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu dis là, circuit de golf. Enfin, il y a un lien très très direct là, entre les pelouses des bungalows et le golf. Les agronomes qui ont procédé à l'amélioration génétique des gazons pour le golf ont tout simplement transféré, dans le fond, leurs semences qu'ils avaient modifiées pour le golf au gazon de bungalow. Puis monsieur, madame, tout le monde s'est retrouvé avec ces espèces-là, ces hybridations-là, avec tout ce que ça veut dire. Donc, un soin là, vraiment important, comme dans les golfs. Selon Statistique Canada, c'est environ 13 000 acres de terre québécoise qui servent à la production de gazon. Ah oui. Ouais, ah oui, parce que quand on va l'acheter, là, les rouleaux, il faut bien qu'ils soient produits quelque part. Tout à fait, oui, c'est ça. En 2006, la vente de gazon a atteint près de 27 millions de dollars. Et au Canada, la somme totalise 128 millions. Là, donc, c'est quand même des sommes importantes. Là. Puis là, on parle de 2006, là, fait que là, avec l'inflation, ça doit être beaucoup plus que ça. Et tout ce gazon-là, pour qu'il soit bien foncé, comme on disait, là, d'un bleu, là, ça prend beaucoup d'eau. Hein? Mmh. Au Québec, l'arrosage des gazons double la consommation d'eau pendant la saison estivale. Donc, c'est quand même important. En moyenne, 43% des ménages canadiens arrosent leur pelouse avec seulement 27% au Québec, dans le fond, selon Statistique Canada, toujours. Puis c'est de l'eau potable. Oui, tout à fait. Aux États-Unis, c'est près du tiers de la consommation d'eau résidentielle qui est utilisée pour l'arrosage des pelouses, le tiers. Ouais. Moi, je trouve que c'est des chiffres importants, impressionnants. Il est important de comprendre aussi là, que selon le ministère de l'Environnement, là, si on ouvre le boyau d'arrosage là, au maximum, là, bien, le débit atteint 1000 litres à l'heure. Donc, c'est vraiment beaucoup. Ce qui équivaut à 4 fois la consommation des Canadiennes à l'heure. Mm-hmm. Et, en tout cas, c'est vraiment beaucoup. Ouais. J'imagine aussi que pour avoir une belle pelouse bien dense et bien foncée, bien fournie, les gens utilisent des engrais. Oui, effectivement, on voyait venir. Donc, environ 28% des ménages canadiens utilisent des engrais chimiques dans leur jardin. Pour la petite histoire, avant, c'était du fumier de cheval quand c'était utilisé. Bon, mais quand les tracteurs sont arrivés, là, ils se sont mis à utiliser plus des engrais chimiques parce que, on n'avait plus de cheval, on n'avait plus de déchets de chevaux. Les engrais sont susceptibles de polluer le sol et d'entraîner, dans le fond, les engrais dans les lacs et les rivières. Selon une étude là, en 2020 aux États-Unis, ce serait entre 40 et 60 % du nitrogène contenu dans les fertilisants qui se retrouve dans l'eau. Donc, ouais, c'est une grande proportion qui dans le fond, fait juste se retrouver dans l'eau. Là. Pratiquement la moitié, là, c'est même plus que la moitié dans certains cas. Là. Ouais, et tout au début, là, tu parlais des vers blancs. Donc, j'imagine que ce n'est pas les seuls ravageurs ou les seuls bébêtes qui viennent fouiner dans le gazon. Est-ce qu'on fait quelque chose aussi? Est-ce qu'on utilise des pesticides contre ces ravageurs? Oui, c'est cette fameuse guerre, hein, comme on dit. Ouais. Là. C'est un combat à finir, cette guerre contre les ravageurs. Et justement, en parlant de guerre, certains insecticides ont été développés pendant la Seconde Guerre mondiale, ont également été utilisés pour la pelouse d'après-guerre. L'un d'eux, là, le plus connu, c'est le fameux DDT, là, qui a été utilisé non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans des applications là, résidentielles comme l'entretien des pelouses. Là. Aujourd'hui, on n'utilise plus de DDT, là, mais ça l'a été à un certain moment. Pensons aussi à l'agent orange, là, le tristement connu herbicide de Monsanto, qui a empoisonné là, des milliers de personnes là, durant la guerre du Vietnam. Monsanto est également producteur là, du Roundup, dont le principe actif, le glyphosate, a été reconnu comme cancérigène probable par l'OMS, là, l'Organisation mondiale de la santé. l'utilisation du Roundup est réglementée là, dans de nombreux pays. Là. En Allemagne, par exemple, en plus d'interdire là, l'utilisation du glyphosate pour les consommateurs, puis en général là, dans le milieu urbain, bien, le pays a adopté une loi qui va interdire à partir de 2024 l'utilisation, même à des fins agricoles. Idem pour le Mexique, là, à compter du 31 janvier 2024, là, donc c'est demain, là, cet herbicide sera complètement interdit. Au Québec, il n'y a aucune législation là, provinciale. Il peut y avoir des législations municipales. Là, certaines municipalités, si je ne me trompe pas, la municipalité de Montréal interdit le Roundup, par exemple. Puis juste avant l'émission, là, je suis allé voir et on peut acheter 5 litres de Roundup pour moins de 40 $ là, chez Canadian Tire, pour pas le dire. C'est accessible, ouais, c'est ça. Si on peut l'acheter, on peut l'appliquer. Exactement, c'est ça. Ben, j'imagine aussi qu'avec tout ce que tu dis à propos des pesticides et des engrais, c'est quand même, faut dire aussi que c'est une industrie lucrative. Oui, ben tout à fait. Hein, l'ennemi parfait pour cette industrie, c'est bien sûr le pissenlit. Ça fait bizarre hein, de dire un ennemi que l'ennemi est qu'un ennemi est parfait, mais avec sa crinière jaune caractéristique, là, le pissenlit, là, c'est une plante dans le fond de milieu ouvert. Hein, puis ouais. Par conséquent, la pelouse, c'est un milieu ouvert. C'est l'habitat parfait pour le pissenlit, surtout qu'on y ajoute de l'engrais, on va l'arroser. Donc, vraiment, on le chouchoute, là, notre pissenlit. Là. On a beau l'arracher, mais c'est vraiment difficile là, à éradiquer. Là. C'est beaucoup plus, là, compétitif que le gazon, dans le fond. Puis, bon, comme je disais, les graines du pissenlit là, voyagent sur de très grandes distances. Donc, même si on fait notre travail acharné toutes les fins de semaine, ben ça prend juste un petit coup de vent, puis on se retrouve avec plein de petites graines. En fait, quand on cultive du gazon, ben par la bande, on cultive du pissenlit. Puis ben, la norme sociale veut que ça... notre gazon soit une monoculture parfaite, dénuée de pissenlits, dénuée de... qu'elle ne soit pas jaune. Et puis ça, quand on y pense, là, dans le fond, le gazon, c'est son mécanisme de défense de jaunir quand il s'assèche, de devenir jaune, c'est son mécanisme. C'est comme si on luttait toujours. Il existe même de la peinture là, pour pelouse, la peinture verte pour mettre sur la pelouse. Ouais. Donc, pour revenir un peu à mon voisin, ben, c'est un combat impossible à gagner hein, pour enrichir dans le fond, les seuls gagnants, c'est l'industrie, puis ben, avec les conséquences qu'on sait là, environnementales qui en découlent. C'est ça, finalement, c'est un combat impossible de lutter contre les pissenlits. Il y en aura toujours, ce qui nous incite à acheter à nouveau des engrais. Puis comme tu dis, le seul gagnant, c'est l'industrie. C'est ça. Puis, il y a un fait aussi intéressant, c'est qu'au départ, quand ils ont fait les premières publicités pour le gazon, c'est qu'ils mettaient en scène, quand les banlieues se sont formées, comme je parlais, c'était beaucoup des images de filles et de femmes qui faisaient ça parce que, bon, la banlieue, c'était l'image de la famille et la famille, bon, à l'époque, là, c'était très genré, donc c'était la femme qui faisait ça. Et quand la tondeuse est devenue de plus en plus à moteur et de plus en plus forte, mais là, c'est devenu des hommes là, baraqués qui poussaient la tondeuse parce que, encore là, l'idée là, que la pelouse, c'est une bête à contrôler, ouais. Que c'est une guerre à gagner, que c'était vraiment l'imaginaire. Je trouve ça vraiment intéressant, en fait, là. Ça me fait penser à un livre de Yuval Harari, là, qui, dans le fond, il dit bon, les mythes, à quel point ils peuvent venir à conditionner notre façon, même si on est très loin de la réalité, dans le fond. Pourquoi? Dans le fond, en plus, les pissenlits, on peut faire du vin de pissenlits, on peut s'en nourrir. Il y a le plantain aussi qui pousse dans la pelouse. En fait, la seule chose qu'on ne peut pas manger, c'est la pelouse. Exactement, c'est vrai. La seule chose qu'on ne peut pas manger. Si on accepte ce pissenlit qui arrive sur les pelouses, le plantain et d'autres petites... les épervières aussi, nous, oui. On a plein d'épervières orangées, épervières jaunes. Mais est-ce qu'on aurait des quelques alternatives éco-responsables à la pelouse? C'est d'accepter justement toutes ces... Oui, bien, tout à fait. Arrêtez de considérer les autres plantes là, ben, comme des plantes nuisibles, là, un peu comme je disais, donc le plantain, on peut faire des cataplasmes, le pissenlit, à peu près toutes les parties du pissenlit se mangent. Les oiseaux aussi? Les oiseaux aussi, tout à fait, oui. Nous, les roselins, ils mangent les graines de pissenlit, ils se mettent à... Il se pose sur la tige du pissenlit et de ce fait, la tête de pissenlit avec les graines vient à la portée de leur bec et ils picorent les graines de pissenlit. Ah, ben oui, c'est tout à fait. Là, c'est un thème qui aurait définitivement pu être abordé, là, toute la biodiversité, avoir une pelouse plus diversifiée. Et bon, quand on met des insecticides et des engrais, ben, on nuit un peu à la flore du sol et on peut nuire. Donc, avoir une diversité, une biodiversité, ben, c'est sûr, ça l'aide le sol, ça l'aide aussi moins de pollution. Puis, remplacer, là, aussi, bon, tu voulais d'autres alternatives plus éco-responsables. Bon, par exemple, mettre des fleurs des champs qui demandent moins d'entretien. Puis bon, pourquoi pas attirer les pollinisateurs aussi tant qu'à y être. Faire un jardin en façade de la maison, utiliser dans le fond cet espace-là au lieu de faire juste quelque chose d'esthétique, ben de manger ce qu'on fait pousser en façade. Puis bon, utiliser d'autres types de couvre-sol comme le thym, le trèfle pour remplacer la pelouse qui réduisent les besoins de tonte, qui améliorent la qualité du sol, qui empêchent aussi la croissance des mauvaises herbes. Plus qu'on a une diversité, moins qu'on est dans la monoculture, plus que ça va être facile de maintenir notre pelouse verte. Puis aussi, il faut penser que le trèfle, c'est auto-fertilisant. Là, c'est souvent considéré comme un engrais vert. Oui. Puis au fond, d'avoir du trèfle à la place du gazon, ça n'empêche pas le barbecue? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, on ne dit pas de pelouse. Moi, j'ai des jeunes enfants, tu sais, pour jouer au ballon, c'est pratique la pelouse. On ne dit pas plus de pelouse du tout, mais bon, à accepter. Peut-être que dans notre imaginaire collectif de la pelouse parfaite, là, le green de golf, là, comme on dit, ben, peut-être laisser ça un peu de côté, puis ben, accepter que notre pelouse est plus vivante, un peu plus organique, là, que différentes choses. Que... Voilà. Mettre un petit peu de couleur, effectivement, aussi. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Samuel, pour cette chronique sur les pelouses. Donc, c'est le moment de faire une pause sur CKRL 89A et on vous revient pour un long voyage à bord des sondes voyageurs. Amène-moi en Louisiane, petite fille belle mère. Tu peux débrider tes yeux verts, faire nos valises. Là-bas y a de la paix, de la bonne paix. Là-bas on fera grâce à faire. Amène-moi vers les bayous dans ta tempo, juste le vent. De cette Louisiane, le long de notre grande route, une lune qui sait nous donner du temps. Et j'entends déjà laisser le bon vieux temps là-bas dans le passé. Écoutez-moi bien, moi je veux pas retourner. J'ai travaillé trop dur, moi pas engagé. Laissez le bon vieux temps. Qui chinque jusqu'à midi, et c'est le violon de Hadley. Vogue, vogue jusqu'à la mer, bien au-delà de la vallée de Memram Cook. Tu peux fermer les yeux, c'est du vent qui se traîne contre le nez de ta tempo. Te voler un dernier blues. Il coulera jusqu'à la mer, bien au-delà de la vallée de Memram Cook. Tu peux virer tout à l'envers, petite mer. Moi je déboucherai la bière et j'entends déjà laisser le bon vieux temps.